Oh, Angélique, ou Rosie, qu'est-ce que tu t'appelles en fait? Papa, rien du tout, parce que là, tu veux plus rien du tout. Papa, tu veux le papa, le papa. Et Anna, qui ne voulait rien du tout non plus. Et puis qui reviendrait à la charge, et puis après qui ne veut plus rien non plus. Tu ne les comprends pas, crois que tu ne sais pas ce qu'elles veulent vraiment, vraiment. Elles ne savent même pas elles-mêmes, elles-mêmes, elles ne savent pas. Là. Tu rencontres des femmes, tu ne les comprends pas, parce qu'elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. Et elles restent sur les sites de rencontres des années durant, des années durant, des années durant, comme Myriam ou Misty. Oui, Missy, c'était. Oui, c'était Missy. Non, ça fait un an qu'elle y est, même plus peut-être, va savoir. Po, elle est là. Non, je veux pas, en fait, j'en sais rien, moi. C'est trop difficile, trop je sais pas quoi.